Yo-Yo 89.5. Du mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir. Bonsoir. Et ça, c'était un sacré bonsoir collectif de retour de Comme un ouragan, l'émission féministe sur Radio Dio du mardi soir, une fois sur deux, sur le 89.5. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale et j'avais envie de commencer par cette petite intro. À Comme un ouragan, on a 28 ans, 36 ans, 42 ans, 42 ans, 46 ans et pas loin des 35 ans aussi. En tout cas, ça nous fait une petite moyenne d'âge de 40 ans. Et moi, 36 ans, j'ai commencé à baiser, on va dire, aux alentours de mes 16 ans. Un poil plus en vrai, mais bon, qu'importe. Et bah ça fait 20 ans, en fait. Et de tout ça, il y a 20 ans, je me rappelle les copines, je me rappelle le désir urgent, le désir compliqué, je me rappelle les baisses trash, je me rappelle les baisses ratées. Je me rappelle la galère de pas savoir où me placer. Je me rappelle de l'alcool, beaucoup. Je me rappelle d'en parler beaucoup, de façon faussement crue, avec beaucoup de tabous dans le fond, et du mal à dire ce qui coince. Je me rappelle le porno aussi. Le porno en tout brouillé sur Canal+, mais qui m'excitait quand même. Je me rappelle pas d'avoir vu beaucoup d'images en vrai. Ah si, quand même, les magazines de mon cousin. Je me rappelle que Caramel, le réseau social de l'époque, existait, mais que j'y allais pas. Et je me rappelle d'avoir appelé le Minitel Rose et fait le 3615 Oula. Je me rappelle pas des mots sur le consentement. Je me rappelle pas d'intervention scolaire non plus, mais de la gêne et des rires quand mes premières copines ont eu leurs règles. Tout ça, il y a 20 ans. J'oublie tout ça, et je me rappelle de tout ça aussi. Et comme un ouragan, on se demande aussi ce que ça aurait été 20 ans avant de se construire dans la sexualité. Et on se demande aussi ce que ça aurait été de se construire 20 ans plus tard. Et nous, on a invité des camarades qui ont 17 ans cette année. 4 copines qui aiment tchatcher et qui étaient motivées pour un direct à la radio. Waouh, la chance pour nous. On leur a dit, allez banco, un direct, vous causez bien de ce que vous voulez. Et elles, pas dégonflées, plutôt carrément courageuses, elles nous ont dit « Allez banco, on va causer de sexualité ». Mais avant que nos camarades de, qu'est-ce que tu as dit, 17 ans, elles vont commencer, moi j'ai envie de dire que ça fait quand même carrément plaisir d'être invitée à sa propre émission, finalement. Et là on est plein dans le studio et ça fait trop plaisir. Et bon, on a fait un petit challenge, on a oublié nos casques, on était en retard, alors on a essayé de tout le monde de stresser à fond pour voir qu'est-ce que ça peut donner après. Et on commence peut-être avant vraiment plonger dans la thème, parce que moi ça m'intéresse et j'imagine les autres aussi, de pourquoi vous avez eu envie de faire cette émission sur la sexualité. Bah, moi j'ai voulu en parler parce que je trouve que c'est pas assez parlé. Il y a beaucoup de filles à qui ça leur arrive, mais c'est trop tabou en quelque sorte. Ça arrive à tellement de filles, mais peu de personnes en parlent. Alors que c'est banal en quelque sorte, ça arrive à tout le monde. Et vous autres, vous avez envie de dire pourquoi vous avez envie de parler de la sexualité ? Moi j'ai trouvé ça important qu'on parle de la sexualité parce que je pense que c'est quelque chose, notamment dans notre époque et dans notre génération, qui est super présent dans notre quotidien. Et malgré ça, il y a tout un tabou autour de la sexualité, alors que ça fait partie intégrante de vraiment de notre quotidien. Et je trouve que c'est important de libérer la parole là-dessus. Et aussi parce que ça rentre dans la cause féministe et qu'on est toutes très engagées dans le féminisme. Donc ça nous semblait important de parler de ça. Et moi, je trouve que bah, c'est important que c'est une mission qu'on a, je trouve, parce que ça ouvre les yeux sur... Enfin, ça permet de partager avec les autres. Et voilà. Trop bien. Merci en tout cas. Nous, on est tout et toutes trop contente de vous écouter. Et voilà, on se lance, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est du coup pour resituer un petit peu, ça fait 2 mois, je pense, qu'on a discuté de faire que vous fassiez cette émission et puis que y ait ce direct qui se passe. Et vraiment, hein, vous êtes arrivé avec cette thématique, la sexualité, et qu'il y a eu des super riches discussions autour de ça, et que petit à petit, il y a un peu un différent bout quoi que vous vouliez aborder. Et j'ai l'impression que le premier bout, ça tournait pas mal autour des réseaux sociaux, pornographie et tout ça, du coup. Oui, alors ce soir, je voulais parler de la pornographie et des réseaux sociaux, parce qu'il y a une hyper-sexualisation de plus en plus tôt. C'est très accessible pour les jeunes, il y a des images sans filtre et pas de prévention. Du coup, je voulais parler de ça parce que c'est, on va dire, actuel. Tout le monde a les réseaux sociaux et tout le monde n'est pas préparé à ça. On reçoit des images de bites sans consentement, alors qu'on a 13 ans, on ne connaît rien du sexe. C'est hyper simple d'accéder au porno, se donner une fausse image du sexe, en quelque sorte, qui peut être violente. On se dit « Waouh, c'est ça le sexe !» Alors que, bah, en fait, non, c'est une fausse image. Et puis, je voulais aussi dire qu'il y a eu un moment où les réseaux sociaux étaient beaucoup moins censurés que maintenant. Et qu'on pouvait très facilement tomber sur Instagram, sur de la pornographie, par exemple. C'était très facile de trouver ça, alors que maintenant, on voit que c'est vraiment pratiquement tout censuré sur les réseaux sociaux en eux-mêmes, excusez-moi. Et que oui, du coup, ça, comme a dit ma camarade, ça contribue à l'hypersexualisation. Et que nous, on est surtout dans nos âges, on va dire... On a été très concernés par ça aussi, parce qu'il y avait vraiment zéro limite dans les réseaux sociaux, et donc vraiment on pouvait voir de la pornographie un peu de partout. Maintenant on voit que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus régulé sur TikTok par exemple, ou sur Instagram. Il y a beaucoup, beaucoup moins de trucs comme ça, alors qu'avant on pouvait vraiment en voir de partout, tout le temps, à n'importe quel âge. Je voulais aussi dire que on n'a pas eu de prévention avec ça. C'est-à-dire qu'on a vu des images, comme je disais, le porno, on voyait l'image de cette femme qui adorait se faire éjaculer dessus ou se faire baffer, qui était très très violent. Et toi, quand tu vois ça, tu dis, ça veut dire que ça va être comme ça. Et quand ça se passe, tu dis, en fait, j'aime pas du tout, je déteste même. Mais tu dis, pourquoi j'aime pas alors que c'est représenté comme ça? Et tu dis... C'est comme un bug, en quelque sorte. Et même les garçons, en soi, ils réagissent comme ça parce qu'ils voient ça. Mais c'est une fausse image. Et du coup, on te dit ça, c'est le plaisir, en quelque sorte. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. C'est une fausse image qu'on nous donne. Je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien rajouter aussi que y a un truc avec la pornographie, c'est que ça crée énormément de complexes. Parce que, justement, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'on ait des images très violentes de sexe et très... C'est toujours la même chose, et ça donne l'impression que si tu fonctionnes différemment de ce que t'as vu dans la pornographie ou sur internet, etc., ta sexualité, elle est pas normale, et aussi ça cultive la honte de son corps, finalement, parce que les mecs, ils ont des tubs qui font 24 cm, les meufs, elles font 40 kg, mais elles font du D en taille de soutif. Enfin, c'est pas la vraie vie, c'est ça, on ressemble pas à des actrices porno, on baisse pas comme des actrices porno, Et quand t'as été éduquée en ayant un accès hyper facile à la pornographie, moi je pense que la première fois que j'ai vu du porno, je devais avoir 11 ans. À 11 ans, ma vie sexuelle, elle n'existait même pas. Et du coup, ça fausse ton image et ça crée beaucoup de complexes et de peur et d'angoisse par rapport au sexe. Et aussi, le fait qu'avec la pornographie et les réseaux, cette culture d'avoir des complexes, cette culture du viol et tout ça, elle est gardée. Et on n'avance pas vraiment. Enfin, c'est comme, je ne sais plus qui disait, mais la femme qui aimait se faire éjaculer dessus, enfin, on la montre toujours comme un être faible. Et du coup, ce qui fait que dans la société, ça avance, mais ce qui fait que des fois, elle est réduite à un être faible et pas autre chose. Non, mais c'est carrément fort et intéressant, enfin vraiment. Et mais du coup moi ça me fait une question, si ça vous va, c'est il s'est passé quoi pour vous le moment de vous dire ah mais en fait c'est pas ça, enfin c'est un peu ce que vous dites quoi, d'être confronté à ça et puis de se dire ah mais en fait non. Comme disait Nina, il y a un sentiment de comment dire en fait tu n'es pas préparé à ça, enfin moi aussi, enfin du coup j'ai pu voir de la pornographie pour la première fois à mes 11 ans. Et dans ma tête, pour moi, le sexe, c'était comme ça, c'était brutal, c'était violent. Et une fois que j'ai eu mes premiers émois, on va dire en quelque sorte, je me suis dit, mais est-ce que... Enfin, comment ça ? Enfin, il y a eu un moment d'incompréhension, en fait. Et puis ça m'a aussi un peu rassurée de me dire qu'au final, c'était pas comme ça, parce que j'avais aussi très très peur de cette violence aussi, quelque part, dans la pornographie. Il y avait une vraie violence. Et le fait de voir qu'il y avait... Enfin, en fait, non, c'était pas ça, quoi. Ça aussi, quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Mais du coup, il y a eu une peur pendant quelques temps du sexe, quoi. Parce que je me disais, waouh, c'est brutal, c'est violent. Waouh. Ben, je rejoins Anouchka sur ce qu'elle dit. Enfin, moi, la première fois que j'ai regardé du porno, c'était à 12 ans. Et j'ai été choquée, je savais que c'était pas la réalité parce que pour moi la sexualité dans ma famille ça a jamais été un tabou. Mais quand j'ai vu ça, j'étais extrêmement choquée, déjà comment ils positionnaient la femme et comment c'était fake quoi. Oui mais ça tu peux pas savoir au début, enfin moi par exemple pour moi c'était pas fake, c'était réaliste. Moi j'ai jamais vu une scène de sexe quand j'avais 13 ans, moi j'ai vu un film. Je me suis dit, c'est ça le sexe, c'est ça et c'est tout. Je n'ai jamais vu qu'on pouvait être doux avec une femme. C'était vraiment la femme est soumise et elle adore ça. Et ben, j'ai essayé ça et je n'ai pas du tout aimé. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi on montre ça? C'est faux. Plein de gens se réfèrent à ça et je ne suis pas la seule. Parce que ça veut dire, si moi j'y ai cru, j'imagine pas le nombre de personnes qui a cru, qui se sont dit, mais en fait non, c'est faux. Internet est faux. Il ne faut pas se dire que c'est ça et c'est ça. Ce n'est pas ce que tu vois. Mais c'est aussi avec la manière dont les parents transmettent cette connaissance, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en fait, c'est un truc que les parents aussi jouent un rôle. Et du coup, on a toutes des expériences différentes. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. Oui, moi je suis d'accord, je pense que moi j'ai eu de la chance parce que depuis toute petite, depuis que j'ai eu l'âge de me poser des questions concernant ma sexualité, etc., ma mère elle m'a toujours dit la pornographie, c'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe pour de vrai, et il y a des gens qui fondent leur image du sexe là-dessus alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Enfin, peut-être que certaines personnes dans leur réalité, ils ont une sexualité qui se rapproche de celle qu'on voit dans la pornographie, mais c'est pas du tout le cas de la majorité des gens. Mais je pense que quand on n'a pas des parents qui sont ouverts sur ce sujet ou avec qui on peut discuter de ça, ou même que nous, on n'est pas à l'aise d'en parler avec nos parents, c'est hyper compliqué du coup de rentrer dans le début de ta vie sexuelle. T'es jeune, tu t'y connais pas trop et la seule référence que t'as, c'est de la pornographie où tout est hyper violent et hyper... Enfin, rien n'est dans la demi-mesure. En fait, le truc, c'est que parfois, on a des parents aussi qui, comme les miens, par exemple, qui... m'ont pas trop prévenu sur la pornographie, sur ce que c'était vraiment. J'ai évidemment été éduquée sexuellement toute petite, quoi, sur comment on faisait les bébés, machin. Mais on m'a jamais réellement prévenu de la fausseté de la pornographie, en fait. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire moi-même, par exemple, avec mon petit frère qui est au collège. Et j'essaye vraiment de lui dire... Je sais qu'on est tous... Il y a tous un moment où on a vu de la pornographie. Il y en a qui sont plus accros que d'autres, on va dire, en quelque sorte. Mais du coup, j'essaye de lui dire, vraiment, c'est pas la réalité. C'est pas comme ça que ça se passe forcément. Il y a une notion de consentement aussi, mais qu'on abordera aussi plus tard, du coup. Et voilà, quoi. Du coup, j'essaie de faire tout mon possible pour ça. Seulement parce que au début, quand vous avez dit de pendant cette première temps parler des pornographies et réseaux sociaux, on a parlé beaucoup de pornographie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les réseaux sociaux concernant la sexualité que vous avez envie d'aborder avant, peut-être aussi après écouter une petite chanson, mais de dire des trucs là-dessus. Les réseaux sociaux participent aussi beaucoup à l'hypersexualisation parce que déjà ça va super vite à notre époque. Ça peut très vite partir aussi. Une personne qui fait un nude à quelqu'un, du jour au lendemain, elle peut se retrouver harcelée. Ce qui fait que déjà ça laisse la personne en position de faiblesse et du coup on la réduit au fait que. Elle joue avec son corps, enfin ça l'amuse, mais que du coup ça fait partie de l'hypersexualisation. Oui, moi aussi je voulais dire qu'il y a quelque chose, c'est que sur les réseaux sociaux, le principe même des réseaux sociaux, c'est se montrer et essayer que les autres apprécient le plus ce qu'on montre de nous. Et du coup, forcément, les personnes qui sont les plus connues et que souvent les jeunes prennent pour des références, c'est des personnes qui respectent les standards de beauté actuels en maximum. Et du coup, ça contribue beaucoup au body shaming, de se dire ok, mais toutes les filles qui sont appréciées sur les réseaux sociaux, elles sont hyper bien foutues, elles ont un visage qui correspond aux critères de beauté dans la norme. Et du coup, ça crée beaucoup de complexes sur son corps, sur son physique. Ça crée beaucoup de manque de confiance en soi aussi. Et puis, avec les réseaux sociaux aussi, il y a eu la création d'un nouveau mode, on va dire, de sexualité, en quelque sorte, avec les nudes, comme tu disais. C'est-à-dire s'envoyer des photos de soi nues ou alors en sous-vêtements par le biais donc, d'Internet et des réseaux. Donc j'imagine que évidemment ça a toujours dû exister depuis le début d'Internet et des réseaux, mais là je vois que ça s'est vachement j'ai perdu le estompé le... non justement ça s'est augmenté. Ça s'est vachement augmenté en fait, et il y a de plus en plus de personnes qui font ça et de plus en plus jeunes, et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri aussi des dangers des nudes, parce que vu que c'est quelque chose qui n'existait pas réellement à l'époque de nos parents et tout ça, on n'est pas franchement éduqué là-dessus, et donc c'est vrai qu'il faut faire attention, mais c'est pas à nous de faire attention à la fois c'est pas à nous de le faire, mais c'est un peu ça le problème, quoi. Justement, par rapport au nude, comme le disait ma camarade, c'est notre génération, c'est pas la génération de nos parents, du coup on n'a pas du tout eu de prévention. On s'est pas dit, si j'envoie une photo dénudée à quelqu'un, ça va ruiner ma vie. Le nombre de personnes qui ont envoyé des nudes par pur plaisir et qui se sont retrouvées sur des comptes fichas exprès et que ça tourne, c'est juste des comptes pour faire tourner des nudes, montrer, regardez, on voit son cul. Voilà, niquez-lui sa vie. On n'a pas du tout eu de prévention par rapport à ça, et du coup, c'est compliqué de savoir comment gérer, etc. Parce que c'est notre génération, c'est nous, on découvre ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais du coup, justement, avec les expériences d'autres personnes qui ont été harcelées par leur nude, ça nous montre un petit peu l'effet que ça peut avoir. Et du coup, ça nous... Enfin, on se retire de ce truc-là, des nudes, alors que ça peut plus être quelque chose d'intime. Vous avez envie d'écouter une petite chanson pour dire aussi, parce oui. que vous avez ouais. choisi en fait 5 morceaux. Alors, vous avez envie de présenter la première? On a choisi Angèle, Balance ton quoi. On trouvait que ça allait bien avec le thème. Donc, bonne écoute. Voilà. Super, très bien. Les chats se parlent mal, 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi.

Il se trouve que c'est une connerie énorme, mais par exemple, ça, personne n'est éduqué dessus. Au collège, aucune fille se dit « je pourrais utiliser un stérilet comme moyen de contraception ». Et ça fait partie des choses dont bah, on ne nous parle pas du tout, alors que c'est hyper important. Justement, à l'école, on est éduqué sur la reproduction, mais pas sur notre plaisir, sur notre sexualité. On ne sait pas comment se faire du bien. Tout le monde dit « ouais, le sexe, c'est incroyable ». Mais ce que nous, on apprend, c'est seulement la reproduction, pour faire des bébés, mais pas pour prendre du plaisir. Du coup, on ne sait pas aussi prendre du plaisir comme là, un peu avec la pornographie. On a juste l'image, mais on n'a pas le plaisir. On ne sait pas comment s'y prendre. On sait juste la reproduction. On entend très peu parler, par exemple, du clitoris en éducation sexuelle à l'école. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, par exemple, on ne m'a jamais parlé de ça en cours. Après, pour ce qui est du clitoris, donc l'année dernière, dans mes cours de seconde, on avait justement fait un cours là-dessus. Et j'avais trouvé ça vachement bien, parce que de nous éduquer un peu sur le clitoris, sur bah, le plaisir, et d'ailleurs j'étais assez contente qu'on en parle, je me disais ah, les choses bougent et tout ça, mais après pour ce qui est de mon vécu aussi, quand j'étais au collège, j'étais dans un collège privé, et en quatrième, il y avait une sorte d'organisation qui prenait une journée, et donc je ne citerai pas le nom, mais en fait, donc pendant une journée, donc les filles et les garçons étaient séparés, et aux filles, on leur disait, par exemple, moi je me souviens très bien, ça m'a marqué, on leur disait que, on parlait notamment de l'avortement, on disait que l'avortement, bah c'était pas forcément une option, que machin, enfin des choses assez archaïques, alors que bah quand j'étais en quatrième, on était en 2019, quelque chose comme ça, donc bon, voilà, déjà séparé filles garçons, je trouve ça quand même un peu vieillot, quoi. Et puis surtout, on nous disait que ça, c'était bien quand même de se faire siffler dans la rue, de se prendre des petites remarques et tout, c'était quand même pas mal, ça faisait du bien, c'était plaisant, voilà, et ça m'a beaucoup choquée. Alors, moi, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que, bah, justement, le fait de la non-mixité, de séparer les filles et les garçons, ça peut être bien, parce que parfois, c'est libérateur de dire que tu parles sans avoir le regard d'un homme, forcément avec toi. Après, le problème, c'est que, ayant fréquenté le même collège que toi et étant passé par ça, en fait, ils nous faisaient faire des ateliers de non-mixité en disant comme ça, on est en confiance, les filles sont entre filles, elles peuvent parler de ce qu'elles veulent un peu, mais c'est pas vrai du tout, parce que, justement, on était culpabilisés sur... L'avortement, bon, ok, on peut le faire, mais c'est quand même vraiment pas anodin. Il s'agit d'un acte meurtrier où, attention, il faut faire attention à pas être une fille facile, à pas faire envie aux garçons, etc. Et du coup, c'était déguisé en quelque chose qui nous aide à mieux nous comprendre et mieux nous cerner, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Exactement. Justement, à l'école, on remet beaucoup en cause l'image de la femme en disant une fille facile, pute, coincée. Tout ça parce que si elle baise ou de sa manière à être habillée, on est vachement jugé à l'école façon à l'image qu'on rejette ou nos actions. Par tout ce qu'on fait, on est jugé. Moi, par exemple, au collège, j'habitais dans le sud. Donc, en juin, il fait déjà très chaud. Et j'ai eu la mauvaise idée de mettre un short et de me faire harceler de pute. Seulement parce que j'avais mis un short. Alors que j'avais un corps de gamine. J'avais 12 ans. Et on remet à chaque fois l'image de la femme en cause. Et le pire, c'est que ces personnes qui m'harcelaient, c'était des garçons en short. Vu que j'étais une femme, j'avais des seins, des fesses, c'était vulgaire. Voilà. Mais ça, c'est aussi parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que aussi l'hypersexualisation des femmes, tu vois, genre à 12 ans, t'étais toi-même déjà... Enfin, déjà, c'est un peu horrible de dire ça, mais... On te traitait de pute parce que tu portais un short, et ça, ça vient aussi des réseaux sociaux, de la pornographie, l'hypersexualisation, etc., etc. Et oui, par exemple, même bah, dans ce même collège privé, on n'avait pas le droit de porter des shorts l'été, enfin... Des jupes, des robes. Des jeans troués. Ouais, exactement. Voilà, ça, c'était interdit, mais donc bah, là, ça visait donc bah, que... les femmes, parce que je peux vous dire que dans ce collège privé, il n'y avait pas beaucoup de garçons qui portaient de robes, ni de jupes, voilà. Donc ça visait uniquement bah, plutôt les femmes. Et puis, ouais, c'est vrai que bah, moi, quand j'étais en quatrième, du coup, j'ai eu une grosse période où je me suis vraiment révélée très féministe. J'étais très fière donc, d'être féministe, sauf que ce n'était pas le cas de la plupart de mes camarades. Et donc, je me suis fait harceler sexuellement. On me disait alors tu te masturbes, tu te mets des doigts, tu te mets combien de doigts et tout ça, par des garçons qui avaient le même âge que moi. C'était affreux, quoi. Je voulais aussi dire que les parents participent beaucoup au fait de la non-information de la sexualité chez les jeunes. Parce que, par exemple, moi, j'ai vécu l'expérience de ne pas avoir été à l'école pendant un certain temps. Et quand je suis arrivée à l'école, direct, on nous a casés en tant que filles et garçons, alors que moi, je m'étais jamais posé ces questions-là parce que, je sais pas, ça passait outre, je m'en foutais, quoi. Et quand je suis arrivée à l'école, en fait, il y avait beaucoup cette question de t'es une fille, t'es un garçon, et du coup, petit à petit, en fait, le fait d'être à l'école, ça te fait avoir une vision des choses, et ce qui fait que les autres, ils se moquent du fait de parler de sexe et tout ça, du coup, ça amène une gêne, et c'est tabou, quoi. À l'école, t'es directement mise dans une case. Vraiment, par exemple, justement, comme elle disait, moi aussi, à un moment, j'ai pas été à l'école. Après, je suis revenue à l'école. Et je m'habillais comme je voulais. Je mettais des grands jogging pour être à l'aise, etc. Et il y a une fille qui m'a dit « Mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? On dirait un garçon. » Et automatiquement, j'ai changé et je suis devenue une fille, entre guillemets. Une fille, l'image de la fille, des petits t-shirts roses, des petites barrettes, etc. Alors qu'en soi, c'est pas du tout mon style. C'était juste parce que les filles, elles étaient comme ça, je devais l'être. Je pouvais pas être différente. Quand j'étais plutôt en primaire, j'avais donc les cheveux, et là je dis entre guillemets à la garçonne, comme on dit. Donc j'avais les cheveux très courts. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'assez important pour moi aussi d'avoir ce truc-là un peu androgyne, quelque part. Mais c'est vrai que directement, quand je suis arrivée au collège, le collège c'est vraiment la pire période, et je pense pour tous. À ce moment-là, ça a été vraiment que du mimétisme, en fait. Que du « je me laisse pousser les cheveux très longs, je mets du vernis, je mets machin, je mets bidule ». Alors qu'en fait, je me suis redécouverte du coup au lycée, mais j'étais pas du tout comme ça, quoi. J'étais pas du tout... Aussi, je voulais parler de la non-mixité à l'école. Enfin, comme elle disait, c'est un peu bizarre le concept à leur collège, mais la non-mixité, ça serait bien de le mettre en place dans les écoles. Parce que quand t'es que entre filles, tu te lâches tellement. Alors que même si t'as des meilleurs copains garçons, tu te sens pas à l'aise comme si t'étais que entre filles. J'ai fait une journée de autodéfense que entre filles. Je me suis jamais autant libérée. Je n'ai pas de problème avec les hommes, mais tellement de choses qui s'est passé avec l'image qu'on nous rejette que tu peux pas te relâcher comme t'en as envie. T'es jamais 100% toi-même. Après, y a aussi beaucoup une histoire de bienveillance autour de toi. C'est comme Ozen, elle dit. la non-mixité, ça peut se faire, mais à certains stades. Ça dérange pas qu'il y ait des hommes, mais il faut de la bienveillance surtout. Et ce serait cool que ça se rende de plus en plus, parce que ça se fait de plus en plus de se poser des questions, mais on est encore loin du but. Mais pareil, ouais, pour rebondir sur ce qu'elle disait, là, c'était de la vraie, en quelque sorte, non-mixité, où il y avait vraiment, comme tu disais, de la bienveillance, où on a pu se libérer, moi-même, j'ai fait du coup ce stage d'autodéfense. On y était toutes les quatre. On y était toutes les quatre, oui. Et par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, dans mon collège privé, ce qu'ils faisaient comme organisation de, entre guillemets, non-mixité, justement, c'est ce que disait une de mes amies, c'était pas vraiment c'était de la non-mixité, mais elle était pas bienveillante, quoi. Ouais. C'était très... Ouais, non. Oui, Oui, je voulais rebondir sur ce que... Enfin, il y avait un truc que j'avais envie de dire que je n'ai pas réussi à dire pendant que je parlais. Ce que je voulais dire, c'est que, du coup, pour moi, avant que j'arrive à l'école, il y avait toujours cette question de je ne m'associe à aucun genre parce que bah, voilà, je m'en fous. Mais c'est toujours d'actualité, mais quand j'arrive au lycée, j'ai un petit peu du mal à l'exprimer parce que j'ai l'impression que les autres ne peuvent pas comprendre, ou du moins tout le monde ne peut pas comprendre. C'est compliqué à faire passer le message. Voilà. On s'écoute la prochaine musique ? Yes. Est-ce que vous voulez la présenter ? Ah oui. Vas-y. Ouais. Bon, j'y vais. Alors, c'est de Georges K. Garçon manqué, fille manquante. Bonne écoute. Yes. Tu m'as dit garçon manqué ? J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Garçon-fille, je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au début de mon enfance. Courir, taper, grimper, ramper, casser, salir, ces garçons. Mon père le savait pas, il m'a élevé à sa façon. Il voulait juste un enfant confiant, sûr de lui. Il m'a fait faire du vélo sans petits trous et courir sous la pluie. Je le sentais fier quand je rentrais, les cheveux pleins de boue, avec des cratères rougis à la place des genoux. C'est qu'il voulait pas que je m'amuse moins, par peur de trouer mes collants et qu'une peur se surmonte moins bien quand on n'est plus enfant. Après, c'est vrai qu'au terrain vague, je voyais que des garçons et des papas, mais je voyais surtout des mômes qui voulaient bien jouer avec moi. Alors au sport en primaire, on me mettait avec les garçons. Mais le plus faible des garçons n'allait pas chez les filles, parce que dans mon sens, ce mercato était une distinction, mais que dans l'autre, c'était traiter le garçon de fragile. C'est là que ça a commencé, les regards et les surnoms. Garçon manqué, je l'ai intégré sans trop me poser de questions, puis l'adolescence m'a appelé frère. Camionneuse ou bien gouine, on demandait à ma mère pourquoi j'avais pas de copine. Tu m'as dit garçon manqué ? J'ai entendu fille manquante, une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il fallait trancher. Comment le monde se répartissait en une dualité sans interstice, fille, garçon, identité codifiée, fringues, fournitures scolaires séparées au supermarché. Aujourd'hui, j'y suis enfin. La silhouette féminine que m'avait prédit la pédiatre et promis les magazines. Fille manquant à l'appel a fini par pointer, alors pourquoi dans tout ce que je fais on continue à arbitrer ? Je parle fort, avec une voix grave, une voix forte, c'est garçon. Sauf quand ce que je dis, c'est pas trop con, alors là c'est bon, je suis une fille forte en affirmation, une future femme qui devra juste adoucir son ton. J'embrasse un garçon, c'est fille. J'embrasse une fille, c'est garçon. Parce qu'une fille qui aime fille, c'est une contrefaçon, c'est une fille qui fuit par dépit, par phobie des garçons, trop laide ou trop conne pour attirer les bons. Fille ne te fait pas l'amour, fille on l'apprend. La nuance est faible, mais quand on est fille, on l'apprend. Mais fille veut pas qu'on la prenne, fille veut qu'on la prenne en compte, fille veut qu'on prenne la peine d'essayer de comprendre pourquoi fille est objet passif et pourquoi garçon est celui à qui dans l'intime on confie l'action, celui qui prend par derrière, sur la table ou par surprise. Pourquoi pour du plaisir mutuel garçon prend et fille est prise. Alors quand tu me dis que je suis fille, tu ne fais pas référence à mon inné chromosomique, mais bien à des tendances, traits de caractère, goût penchant, passion, facilité, sinon tu pourrais pas me dire que je suis fille, mais pas assez. On nous calque nos désirs, nos habiletés, et on statue par avance sur nos désirabilités. On est fille de fil en aiguille, car c'est comme ça qu'on nous tisse, fille ou garçon, des attributs d'un sujet factice. Et si tu penses que mon combat n'en vaut pas la peine, moi, je suis fille depuis le début. C'est à toi que ça pose problème. Du coup, pour donc ce troisième thème, je vais donc on va donc parler du consentement. Donc, c'est un sujet très très vaste. Donc, je voulais donc déjà, premièrement, on peut parler du porno qui encourage et qui conserve la culture du viol. Donc là, on fait encore un petit lien avec ce dont on avait parlé au début, à savoir la pornographie et les réseaux sociaux. Et aussi, il y a aussi une peur de dire non, qui elle aussi est liée à la pornographie. Et parce qu'on est aussi éduqué par donc, notre société à obéir aux hommes, et il y a aussi une certaine culpabilité. On a peur de décevoir. Je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche personnellement, la peur de décevoir aussi. Et pour en revenir au porno, si je peux parler un petit peu de mon vécu par rapport à ça, j'ai été donc agressée sexuellement quand j'étais petite par des gens qui avaient parfois le même âge que moi, qui étaient parfois un peu plus vieux. Je vous parle de quand j'avais 11 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'en avais 13. Et je pense que tout ça, c'est lié aussi beaucoup à la pornographie. Parce qu'on a cette image-là de la femme qui dit jamais non. Ou alors des scénarios où au début, la femme, elle dit non et puis finalement, elle cède un petit peu. Et je pense que tout ça, en fait, vu qu'on est surexposé aussi à la pornographie, comme on disait au début, ça a fait germer certaines idées dans la tête de certains garçons. La plupart du temps, ces garçons, donc voilà, ça peut arriver aux femmes, mais je le vois plutôt chez les hommes, que de la violence. Et voilà, pour un peu parler de tout ça. Oui, moi je voulais parler du porno justement pour, comme on dit, la culture du viol, enfin ça la conserve. C'est que, comme on disait au début, on a une image très violente du porno où c'est vraiment la femme, elle est soumise. Du coup, en quelque sorte, de ce qu'ils ont vu, on peut voir que les femmes adorent être soumises. Du coup, même si elles disent non, en quelque sorte, pour eux, ça pourrait être dire oui. Je dis bien pas tous les hommes, par contre. Pas tous les hommes. Mais, vas-y. Cette idée-là, elle a été perpétuée aussi par les films qui créent cette idée. Dans les passages de films, des fois, on voit la femme en face qui n'est pas intéressée et l'homme qui est un petit peu là en mode « Allez, ça va » et tout. Et là, miraculeusement, elle tombe amoureuse et elle fait « Oh oui, moi aussi, je t'aime ». Oui, je suis d'accord. Par exemple, je pense que petit, on a tous regardé « La Belle et la Bête ». La Belle et la Bête, le scénario du film, c'est quand même une fille qui se fait séquestrer par un mec et qui tombe folle amoureuse de lui alors qu'il est horrible avec elle et qu'il la séquestre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent à l'adolescence des films comme 50 nuances de Grey ou des choses comme ça. Et c'est pareil, c'est des mécanismes où la meuf, elle est pas d'accord, mais le mec, il est quand même beau gosse. Et se faire séquestrer par un BG, c'est cool, tu tombes amoureuse de lui forcément. Et ça entretient la culture de... oui, mais si tu dis non, selon la personne que t'as en face et selon le contexte, tu peux bien changer d'avis, ou parfois tu veux dire oui, mais t'oses pas. Ou... Alors que non, ça veut dire non, c'est pas compliqué. Ouais, mais même on le voit, par exemple, toi tu disais La Belle et la Bête, on peut voir aussi Blanche-Neige, où l'homme vient l'embrasser dans son sommeil pour la réveiller. Je sais que ça a fait beaucoup, beaucoup polémique. Parce que y avait des gens qui revendiquaient le fait que ça pouvait encourager cette culture du viol, et puis d'autres qui disaient non, mais c'est un film et tout. Mais en fait, justement, c'est un film pour enfants où on vient déjà en fait nous mettre la culture du viol, enfin nous entraîner dans cette culture-là en fait de oui, mais elle tombe folle amoureuse de lui. Il fallait bien un bisou pour la réveiller. Et puis même, on voit, comme tu disais, 50 nuances de Grey. J'ai un autre exemple, comme 365 jours, où c'est une femme qui se fait littéralement séquestrer, mais c'est sorti il y a quoi Deux ans, quelque chose comme ça, ouais, 2-3 ans. Et ça a fait énormément polémique, en fait, parce que c'est pas possible d'avoir des films comme ça à notre époque. Je veux rebondir sur le passage de Blanche-Neige. Enfin, on est en 2022 et je pense pour la première fois, je vais pas spoiler parce que peut-être que les personnes regardent la série, mais c'était la première fois de ma vie que, en fait, c'était une scène reproduite de Blanche-Neige et la personne avant d'embrasser, elle avait dit avec consentement. Et genre quand j'ai vu ça, ça m'a fait tellement de bien parce que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Enfin. Carrément. Bon, mais aussi la peur de dire non. Enfin, la culture du viol est aussi à cause de la peur de dire non, parce qu'on est beaucoup éduqué par la société des hommes en soi en disant Si tu te fais siffler dans la rue, baisse la tête, ne dis rien. Ferme ta gueule. C'est comme, bah, du coup, on veut aussi faire plaisir aux hommes, se dire, c'est à nous de leur faire plaisir, c'est pas à nous de nous faire plaisir. Tout à fait. On le met en priorité lui. On doit fermer notre gueule et accepter les choix. C'est terminé quand lui, il a éjaculé. Si toi, t'as pas envie, tu dois le faire parce que c'est ton mec, si tu l'aimes. Ouais, moi, je sais qu'il y a aussi... Enfin, je sais que c'est très présent chez moi et que j'ai pu parler avec des personnes qui m'ont dit que il ou elle ou y'elle ressentaient la même chose. C'est que souvent, quand t'as un rapport avec quelqu'un, je sais que moi, quand, je sais pas, au cours d'un rapport, par exemple, j'ai envie que ça s'arrête ou il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, c'est hyper dur de dire non parce que il y a un côté où, en fait, t'as pas envie de décevoir la personne en face parce qu'on t'a tellement éduqué à ce que... Bah, justement, surtout en tant que femme, à faire plaisir au mec qui est en face de toi, dans une relation sexuelle hétéro, en tout cas, que du coup, c'est hyper dur de dire non parce que tu te dis « Ah non, mais je vais le décevoir, il va être frustré, le pauvre... » Alors que, bah non, pas le pauvre. Enfin, ce qu'il craint, c'est d'avoir un rapport alors que t'es pas d'accord. C'est pas de ne pas avoir de rapport alors qu'une des deux personnes en a envie. Du coup, bah, je voulais rebondir là-dessus. Par rapport au vaginisme, par exemple, c'est un problème auquel on n'est pas du tout... on n'est pas du tout éduqué là-dessus. Moi, j'avais jamais entendu parler de vaginisme jusqu'à ce que je découvre que j'en fasse. Peut-être et... explique ce que c'est. Ah oui, du coup, pour ceux qui savent pas, le vaginisme, en gros, c'est une sorte de... Je saurais pas comment expliquer vraiment, mais c'est en fait, lors d'un rapport, ou que ce soit avec toi-même parfois, toute pénétration est impossible. Il y a un énorme blocage. Alors, peut-être que tu peux m'aider, Nina, pour expliquer bien ce que c'est le vaginisme. Ouais, en règle générale, le vaginisme, c'est souvent une réponse traumatique de ton corps. Après, notamment une agression sexuelle ou un viol, ça arrive souvent. En fait, c'est juste que quand tu vas avoir un rapport sexuel, ton corps, il se met en alerte. Et du coup, t'as ton périnée qui se rétracte. Et du coup, bah, ton trou, il est tout rétracté. Et juste, tu peux pas... Voilà. Tu peux pas... procéder à une pénétration parce que ton corps a une réaction de peur et il dit non. Exactement. Et du coup, bah, je voulais parler à propos de la déception. C'est que, bah, en fait, le vaginisme, donc, évidemment, on ne peut pas le nier, c'est un problème. Mais pour moi, personnellement, qui fais du vaginisme, je ne me dis pas forcément que c'est un problème pour moi, personnellement, mais que c'est un problème aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une... Chez moi, je suis... Enfin, j'ai l'impression de décevoir la personne, en fait. Bah oui, ça marche pas. Oui, voilà, j'ai un passé un peu traumatisant, on va dire, avec la sexualité, l'entrée précoce dans la sexualité, etc., etc. Et ça marche pas, mais en fait, je me dis pas, mince, enfin, évidemment que c'est frustrant, mais la première chose auquel je pense, parfois, c'est, mince, il va pas pouvoir, ça va pas pouvoir marcher, le pauvre. Enfin, je suis désolée, je suis hyper déçue de moi, en fait. Oui, on se met souvent derrière les hommes, on veut leur plaire, on veut tout faire pour qu'ils aient un maximum de plaisir en nous oubliant. On ne se dit pas que si nous, on n'en a pas envie, tu peux dire non et faire « ok, c'est bon, on ne fait rien ». Mais ils commencent à t'embrasser et puis continue, tu dis « je vais rien dire, tant pis, on continue ». Alors que j'en voulais pas. J'en voulais pas, mais vu qu'il m'a embrassée et qu'il a glissé sa main, bah, maintenant je dois accepter. Grave. Ouais, c'est trop tard, je vais pas le décevoir, je vais pas lui dire stop maintenant, ça a déjà commencé, ça va le frustrer, alors que, bah, on le rappelle, c'est toujours ok de dire stop et on peut dire non à tout moment et la personne en face doit respecter ça. Ouais, c'est trop compliqué de se dire, putain, mais là, ça se trouve, je vais le gâcher, il va être énervé contre moi, etc. Alors que, bah, non, en fait, c'est juste, tu vas juste pas ken, c'est tout, t'as le droit de ne pas vouloir baiser avec quelqu'un. Ouais. Mais on l'oublie trop souvent. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé de... passé avant l'acte, j'ai toujours dit non. Genre, vraiment, quand j'ai pas envie, je le dis. Et vraiment, faut pas culpabiliser parce que c'est normal. Et que si la personne en face de toi, elle culpabilise, ben c'est de sa faute et c'est pas de la tienne. Mais c'est vachement bien que t'aies Oh là, j'arrive plus à parler, moi. Cet état d'esprit. Parce que tout le monde ne l'a pas. Et par exemple, bah, moi, je ne l'ai pas. Et c'est un vrai problème. Pourtant, je me dis, si, mais c'est OK de dire stop et tout. Et pourtant, à chaque fois, non. À chaque fois, je laisse faire. Et je me dis, c'est juste... Parfois, c'est juste un mauvais moment à passer. Voilà. Ouais, c'est tout. Triste. Ouais. C'est triste, mais en vérité, c'est un peu inconscient parce qu'on a toujours, on nous a toujours, en fait, inconsciemment, on nous a toujours mis ça dans la tête, en fait. Mmh. Et c'est très récemment qu'on a eu ce truc-là de, en fait, tu peux dire stop, tu peux dire non, tu es pas obligé de baiser si tu n'en as pas envie. Moi, je sais que j'ai toujours été avertie sur le fait que c'est ok de dire non, mais je trouve que le plus dur, c'est d'assimiler que c'est ok de dire stop quand ça a déjà commencé. Grave. Je trouve que c'est beaucoup, enfin, dire non à quelqu'un, parfois c'est compliqué, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué quand t'es déjà dans l'action avec quelqu'un, t'es déjà à moitié à poil ou même t'es déjà en train de baiser, de dire ok, en fait, non, j'ai changé d'avis, je veux que ça s'arrête. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Mm. Pardon, je sais, c'est une émission à vous, mais j'ai envie de dire un truc. Il n'y a pas de souci. Parce que tous les trucs que vous parlez, je trouve ça super intéressant. Et si on parle de consentement, le truc que je trouve intéressant, c'est de se dire que, en fait, la baise ou la sexualité, c'est comme un dialogue. Et le but, ce sera que les deux partenaires, on s'en fout des gens, qu'ils ont le même... je sais pas comment dire, le même droit de dire des trucs ou pas. Et si tu as ça dans ta tête, que c'est un dialogue et c'est pas seulement avant ou après, ça peut être pendant, mais ça veut dire tu peux être dans un dialogue pendant la baise et de dire, pas seulement, pour moi c'est pas le consentement seulement de dire oui ou non, c'est aussi, ah ça me plaît, toi, c'est quoi qui te plaît, mais vraiment être dans un dialogue. Après, je pense que aussi il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que les garçons, ils sont aussi beaucoup éduqués. Enfin, je veux dire, on se dit pas souvent qu'un garçon peut ne pas avoir envie d'avoir un rapport. Ouais. On a tendance à penser qu'un garçon, ça a tout le temps envie de baiser, alors que bah, ça arrive aussi qu'un mec, il ait pas spécialement envie. Et je pense, enfin après, je le vis pas parce que du coup, je suis une femme. Mais que en tant que mec, c'est important de rappeler aussi que bah, même les garçons, ils ont le droit de parfois ne pas avoir envie et de dire non. Et ça, c'est quelque chose de très tabou aussi chez les garçons. C'est quelque chose de beaucoup moins tabou chez les femmes. Mais chez les garçons, il y a vraiment ce truc-là aussi de masculinité toxique qui existe encore pas mal. Et on les éveille pas énormément. Alors, on les éveille beaucoup sur la notion de consentement chez les femmes. Et beaucoup plus maintenant. On va dire maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a beaucoup une notion d'éducation là-dessus. Mais il faut aussi rappeler que... eux aussi, ils ont le droit de dire stop, de dire non. Et que c'est pas une honte aussi. La honte doit changer de camp. C'est aussi ça. Dans le sens où il y a beaucoup de garçons qui osent pas parler des agressions sexuelles, des viols qu'ils ont pu subir. Parce que c'est la honte, en fait. C'est représenté comme quelque chose qui n'est pas viril, comme la victime. Et je pense que c'est important aussi d'en parler dans cette émission-là, même si elle concerne quand même relativement plus les femmes. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les garçons, c'est sûr que il y a un petit peu plus de mal sur cette notion du consentement, mais c'est parce que on leur en parle très peu, en fait. En fait, c'est tabou pour eux, et le truc qu'on se dit pas assez, parce que souvent, nous, on va se dire. Oh, j'ai de la haine envers lui, il comprend pas et tout ça, mais c'est parce que la société fait que en fait on en leur en parle pas et que du coup en fait genre avancer avec eux quoi. Voilà, je pense que voilà, je sais pas ce que c'est, la musique. Musique. Ouais. Ouais, pour la musique. Alors j'ai un très mauvais accent espagnol, mais c'est Canción. Je sais vraiment pas parler espagnol. C'est Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Vous excuserez mon bonne écoute. el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Alors, le thème à aborder maintenant est l'orientation sexuelle. Déjà, dans la société, on a une peur de s'assumer car on est dans une société hétéronormée. Mais grâce aux avancées technologiques, la parole se libère, et notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, voilà. Bah, par exemple, pour l'hétéronormé, la peur de s'assumer, bah, c'est surtout au collège. Tu dis automatiquement que t'es hétéro. Pour moi, genre, c'était impossible que j'aime une femme ou que j'apprécie une femme. Mais c'était bizarre parce qu'en quelque sorte, j'avais une double vie. Parce que ma mère, elle me disait que j'avais le droit d'aimer qui je voulais. Mais mes copains et mes copines sortaient que avec des filles et des garçons. Et j'étais très influençable par mes amis. Pour moi, à ce moment-là, c'était mon entourage le plus important. Et vu que je voyais que ça, pour moi, c'était pas admissible, en quelque sorte, de pouvoir sortir avec une fille. Aussi parce que c'était très jugeant. Si j'aimais une fille, j'étais hors naturel, en quelque sorte. C'était surnaturel. C'était pas normal de... Comment dire ? Je sais pas. D'être attiré par une femme, genre. Oui. D'être homo ou bi ou pan ou... Oui, mais vraiment, genre, au collège, t'es hétéro et c'est tout. C'est normal d'être hétéro. Autre chose, c'est spécial. Ouais. Très, très spécial. Moi, je sais que en quatrième, j'ai commencé à dire à mes copines que je pensais que j'étais bi, que j'aimais bien les filles et tout. Et je sais que la première réaction qu'à l'époque, mes deux meilleures amies ont eue, c'est qu'elles m'ont dit « Je veux plus que tu dormes avec nous. » Oh, de ouf. Et je leur ai dit « Quoi ?» Et elles m'ont dit « Bah, je suis désolée, mais si t'es attirée par les filles, moi, ça me gêne de dormir avec toi parce que j'ai peur que tu nous touches dans la nuit ou je sais pas quoi. » Et j'étais là, mais enfin, ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que je suis attirée par les filles, premièrement, que je suis attirée par toutes les filles du monde. Et c'est pas parce que je suis attirée par les filles que je vais violer mes copines pendant qu'elles dorment. Enfin, ça a aucun sens. Et puis, moi, j'avais 12 ans, j'ai dit à mes copines que je pense que je suis attirée par les filles. Et j'avais un peu, entre guillemets, honte de ça parce que j'étais dans un collège catholique, j'avais un entourage et je savais que, genre, mon entourage, en dehors de ma famille, allait pas forcément bien prendre ça. Et c'est hyper compliqué quand les gens réagissent comme ça parce que tu te dis, ok, il faut que je ferme ma gueule, il faut pas que je redise ça à des gens parce que les gens ont peur de moi juste parce que je suis attirée par les femmes. C'est quand même surréaliste. Aussi, le truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on n'est pas toujours obligé de mettre des mots sur notre sexualité, qu'est-ce qu'on est et tout ça, parce que moi, pendant longtemps, ça a été un petit peu une bataille, savoir où est-ce que je me positionnais, mais un jour, j'ai compris que j'avais pas besoin de bataille, quoi. C'est quelque chose qui est là en nous, mais c'est pas les classements qui vont définir qui vous êtes, quoi. Non, mais carrément. Et puis, j'ai donc un peu eu le même parcours donc, que Nina. Donc, c'est-à-dire que j'ai été donc, dans ce même collège catho, privé et tout ça. Donc, c'est vrai que autour de nous, il y avait surtout, je dis pas, il y avait majoritairement des personnes qui avaient des parents un peu homophobes sur les bords, des personnes qui étaient parfois royalistes. Oui, j'en ai vu, royalistes d'extrême droite. Voilà. Mais oui, pareil, dès la quatrième, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus parce que y a eu, comme l'a dit mon ami, il y a eu une avancée donc, technologique qui fait qu'il y a eu une évolution, une libération de la parole. Et donc, je me suis un peu servi de ça aussi pour commencer à dire moi, au fait, je crois que j'aime bien les filles aussi. Et, mais vu que mes parents et tout ça m'ont vachement éduqué là-dedans, de tu aimes qui tu veux. Tant que t'es heureuse, en fait, et puis toute ma famille aussi, et j'ai de la chance d'avoir une famille qui est très très ouverte là-dessus, en fait, enfin qui est juste normale, tout simplement. Et donc c'est vrai que ça a toujours été un peu simple de m'assumer là-dessus, mais comme Nina, la première réaction de mes copines, c'était « Mais t'es pas amoureuse de moi, hein ?» Alors non, je suis pas amoureuse de toi du tout, mais voilà, quoi, c'était la première réaction, c'était « Mais bizarre, va dans nos vestiaires et tout ça. » Ouais. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah voilà. Oui, mon entourage, pour eux, les bi, lesbiennes et homosexuels, c'était dégoûtant. C'était vraiment dégueulasse pour eux. Et du coup, ils me transmettaient cette vision en mode vraiment, si t'es ça, ne m'adresse plus jamais la parole. Et comment se dire, si j'aime des filles, j'ai pas envie de perdre tous mes copains et mes copines. Du coup, tu gardes en toi et tu dis du coup je vais rester hétéro, j'aime que les garçons, et tu veux pas découvrir autre chose, tu restes dans ce monde de c'est dégoûtant et rien d'autre. Moi je m'assume pleinement la personne que je suis, genre comme j'ai dit, je ne me positionne pas, je me mets dans aucune case, mais un jour j'ai compris que quelqu'un m'avait super mal parlé et j'avais compris que c'est parce que j'avais une dégaine entre guillemets de lesbienne, et du coup ça m'a blessée parce que cette personne-là faisait partie de mon entourage, et j'ai trouvé ça dommage, quoi. Et moi aussi j'ai oublié ce que je voulais dire, attendez. Tu veux 2 minutes pour réfléchir? Non, parce vas-y, continue. C'est bon, j'ai okay, vas-y. Je voulais parler aussi du fait que quand on est quand on s'affirme, je me suis, en fait, c'est vrai qu'en quatrième, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu une maxi force mentale dans un collège donc complètement catho, hyper hétéronormé et compagnie, comme vous pouvez le deviner. Je me suis complètement affirmée féministe et bisexuelle. Bon, maintenant, je laisse un peu ça de côté. Je me dis, ouais, j'aime les filles, j'aime les garçons, je m'en fous, je me mets pas dans une case. Et en fait, t'es hyper sexualisée aussi. Quand tu dis que tu aimes les filles, les garçons, ils ont une image très sexualisée des lesbiennes, par exemple. Parce qu'avec le porno, il y a quelque chose, je sais pas, quelque chose d'excitant, en fait. Alors que, non, en fait, c'est juste deux femmes qui s'aiment. Mais non, il y a quelque chose de très sexuel autour de deux femmes qui s'aiment. Je le vois dans notre génération et tout ça, il y a quelque chose de vraiment très, limite, malsain, en fait. C'est limite malsain, ouais. Et c'est limite plus être en sécurité de dire que t'es hétéro qu'être LGBTQIA+. Parce que le nombre de personnes qui s'est fait tabasser dessus seulement pour l'amour qu'ils avaient pour le même sexe, tu dis c'est mieux d'être en sécurité, donc je dis que je suis hétéro. Après, moi je sais que du coup j'ai une grande sœur qui est transgenre et qui a fait son coming out trans quand j'étais en 5e, je pense. Et je sais que justement par rapport à la façon dont j'avais entendu parler de transidentité dans la société, c'est-à-dire presque pas, sur le moment ma réaction ça a été d'être super triste. C'est bizarre, j'ai jamais parlé de ça. Parce que j'avais l'impression que j'allais perdre mon, entre guillemets, du coup, grand frère. Et que ça allait plus du tout être la même personne, que tout allait changer, que ça devenait quelqu'un de différent. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte très vite que la seule différence qu'il y avait, c'est que bah, justement, ma sœur, elle était mieux dans sa peau. Elle a eu une adolescence compliquée, mais que genre tout s'est mis à aller beaucoup mieux parce qu'elle a réussi à mettre des mots sur la douleur qu'elle avait au fond d'elle, qu'il y a quelque chose qui allait pas et elle a pas compris quoi pendant tellement longtemps. Et en fait, genre je me dis que ma sœur, elle a de la chance d'être dans une famille où on est tous, par exemple, ouverts d'esprit. Parce que bah, je me dis, si elle avait été dans une famille autre, le fait de se dire, ok, la cause principale de mon mal-être depuis aussi longtemps, c'est que en fait, bah, je suis une femme et on m'a jamais considérée comme telle. Si tu te retrouves dans une famille où on te dit, bah non, t'es pas une femme, c'est hyper compliqué. Et puis aussi, dans les familles, pour dire, faire ton coming out, j'ai des amis qui ne le diront peut-être jamais à leurs parents ou qui le rediront quand elles seront majeures et qu'elles pourront partir. C'est triste de se dire que même chez toi, tu peux pas dire ce que toi tu ressens. Ouais. C'est très tabou et dangereux parce que tu peux être virée de chez toi seulement ouais. parce que t'aimes un autre genre. Bon, peut-être même si c'est un peu dommage parce que on a non. Je voulais dire peut-être on a la fin et on pourrait faire un deuxième une comme dans les séries en fait. Maintenant c'est à la mode. On fait deuxième épisode. On n'est pas un film en fait, on est une série. On fait plusieurs épisodes parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore des heures. Ouais. Oui. Et c'est super chouette. Et on l'a vu au débriefing avant en fait, l'émission. Je me fais prendre le micro. À ma droite, je vais pas lire le nom, mais oui, je vois bien ça. Mais après, ça m'a aussi, je voulais dire parce que vous parlez de coming out. Bon, déjà, je trouve que c'est un signe de que tu dois faire une coming out parce ouais, qu'en fait, c'est ça. Pas seulement c'est une transidentité sur si c'est sur le genre ou sur la sexualité. En fait, on parle toujours du coming out, que ça veut dire déjà quelque chose. En fait, comme tu dois annoncer oui. qu'il y a quelque chose c'est qui ça, va ça. Pas entre guillemets, tu es là. Bon, en fait, le moment, je crois, où on a réussi, c'est peut-être où tu dois pas ou ouais. plus faire une ouais. coming out. Moi, je sais que j'ai jamais fait de coming out à mes parents. La première fois que mes parents ont entre guillemets su que j'étais attirée par les filles, c'est juste que je suis rentrée chez moi. Moi, je parle très librement avec mes parents et j'ai juste fait genre « Ah, regardez, j'ai rencontré une fille, je pense que je vais la pécho » et j'ai montré une photo à mes parents et ils m'ont juste fait genre « Ah, cool !» alors que je leur en avais jamais parlé, mais je sais que ça aussi, c'est une chance de pouvoir juste dire ouais. « Ah, j'ai pécho une meuf » et que mes parents, ils me disent pas genre « Quoi ? Tu aimes les filles ?» ouais, genre, ils étaient juste là « Ah, ok, cool !» Ouais. Ouais. Et comme tu disais, ouais, il y a peut-être pas besoin de faire le coming out. Moi, je trouve que si, parce que en soi, bah, chaque personne est dite hétéro. Et comment tu veux dire, ouais, bah, tu veux pas le faire, mais les gens vont croire que t'es hétéro parce qu'on est directement assigné à être hétéro, en quelque sorte. Ouais. Non, je voulais pas dire qu'on doit plus faire des coming out, mais pour dire que c'est déjà c'est le signe pour moi que c'est encore un problème. Je crois le moment où tu dois plus faire une coming out, ça va être le signe que en fait c'est bon quoi. Mais ouais. Enfin pour ce qui est du coming out, pour la question du genre. C'est assez important parce que bah, le genre, ça ne définit pas une personne, mais ça la construit aussi quelque part. Et, mais pour ce qui est de la question du sexe, bah, en fait, y a un côté où c'est intime, en fait. Il y a un côté où, en fait, ça les regarde pas. Ouais, enfin, dans le sens où, en fait, bah, bon, après, c'est bien sûr que c'est bien plus compliqué que ça, hein, mais en fait, on ne devrait pas avoir à faire de coming out sur ton orientation sexuelle. Enfin, je veux dire, pour moi, ça... Vas-y. Ben, pour moi, le coming out, ça n'existe pas. Ouais. Parce que j'ai grandi avec une mère géniale. Et du coup, je sais pas, c'était pas du tout tabou. Enfin, on en a jamais parlé, mais en fait, il y avait jamais lieu d'être à ce qu'on fasse un coming out, quoi. Ouais.

still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Je voulais faire un big up à la personne qui m'a fait découvrir cette musique. Enfin, si elle s'en souvient, si elle était pas trop pompette. Et voilà. Moi, je voulais dire en vrai, merci à tout ça. Tout ce que j'ai vécu, ça m'a fait grandir. Je peux pas dire que j'ai adoré, mais ça m'a fait grandir en maturité. Lâchez-vous, assumez-vous, kiffez votre vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, moi je voulais faire aussi un maxi big up à mes parents, déjà, à mes parents, parce que merci à eux de m'avoir, éduqué sur certaines choses, sur la sexualité, même si, ils savent pas tout de maintenant, comme on l'a pu le dire. Et puis aussi à tous mes amis, parce que... Ouais. Quand même. J'espère qu'ils ont c'est écouté. Aussi... Hein. Ouais, j'espère qu'ils ont écouté déjà. Vous avez et intérêt. Puis, c'est grâce à vous aussi qu'on est comme ça maintenant. Et puis même si on a tous vécu, toutes et tous vécu des choses qui ont pu nous traumatiser, qui ont pu être violents, tout ça, ça nous a construit. Et voilà, merci pour tout. Ouais, moi je voulais dire merci à toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci beaucoup de nous avoir accordé l'opportunité d'avoir ce temps de parole et tout, parce que c'est pas une opportunité qu'on a souvent et ça fait beaucoup de bien. J'espère qu'on a pu faire du bien à des gens aussi en s'exprimant, des gens qui se sont reconnus dans ce qu'on a dit. Merci à mes trois super copines avec qui je suis venue aujourd'hui. Et merci à tous les gens qui m'ont fait grandir de quelque façon que ce soit. Merci à tous les gens qui m'ont fait du mal. Parce que grâce à vous, maintenant, je suis quelqu'un et je ferai pas les mêmes erreurs que vous. Ah, mais grave, hein. Voilà, merci beaucoup. Ouais. C'était merci. Super. J'espère... que l'on se reverra bientôt, j'en doute pas. Et j'espère aussi. Et moi aussi, je voulais dire un truc. qu'il fallait pas culpabiliser, que en fait, c'est des dogmes de la société, et une fois qu'on les comprend, ça nous permet d'évoluer. Et exactement. Juste comprendre ça, ça nous débloque plein de choses et ça nous ouvre plein de portes. Pensez à vous. Et non, c'est non. Et j'ai envie de vous remercier beaucoup. Franchement, je suis encore en choc parce que j'ai compris que je suis l'âge de la mère de la plupart des personnes. Mais bon, c'est pas grave. Merci à vous. J'ai appris beaucoup. Et franchement, ça faisait du bien. C'était super. Merci beaucoup. Bah ouais, vraiment merci beaucoup et merci d'avoir pris l'invite et puis merci pour les discutes dans le salon aussi là qui ont duré 3-4 heures. Merci à vous. Ouais, c'est vrai qu'on a derrière nous des discussions de plusieurs heures dans des canapés. Ça a été très heures, enrichissantes. 2 heures. Et à la technique et tout ça. Et ouais. On écoute une dernière petite chanson, non? Et ouais. Quand même, pour le redire, on en... 89.5 sur Radio Dio, sur Comme un ouragan. On se revoit dans 2 semaines avec un autre thème. Et voilà, une petite dernière chanson. Est-ce que vous avez encore un petit truc à rajouter? Sinon, on passe à la musique. Non, c'est bon, je pense qu'on peut passer à la musique. Alors, la dernière musique, c'est Santi Gold, Les Artistes. Voilà. Et bonne écoute pour la dernière fois et cette bisous, fois. Les copains. Ouais, bisous, bonne nuit. Bisous.